En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode 6 de la saison 2017-2018 de la soirée du podcast. L'alignement de départ pour le podcast de ce soir, le numéro 31, JF Mallette, et votre animateur, le numéro 75, JF Cromp. Yep. La soirée du podcast, édition des deux JF, un peu comme à la jasette. Là, oui. Voilà, nous sommes une émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson. Des sujets chauds couverts par des gars chauds. Voilà. Tout a été dit, je pense, JF. Là, On va chicaner à soir. On va chicaner, j'ai l'impression, un peu, parce que, bon, on n'est pas tous sur le même pied. On danse pas sur le même pied. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais en tout cas. Je suis d'accord avec l'expression. Au moins, on sera d'accord là-dessus. Mais juste pour dire, ce soir, on est seulement deux, parce que demain, c'est notre événement annuel de la soirée du podcast. Généralement, va au Centre Bell. Là, on est trop cheap, fait qu'on va aller voir une game quelque part. Dans un bar, genre plein de bière. Donc, les gars seront de retour au prochain show. Mais bon, en attendant, suivez demain, si vous écoutez en direct, notre Insta Story sur Instagram. Ouais, on va mettre du footage. Je pourrais pas dire des niaiseries, là, mais... Ben, peut-être, là. À suivre. À suivre, mais donc, on est sur Instagram. On est at la soirée du podcast. Venez nous suivre. Ouais, suivez-nous, on veut avoir on veut vos commentaires et tout ça là. Ouais. Ah puis venez donc donner un 5 étoiles sur iTunes, ça nous aiderait bien gros aussi. Si vous voulez laisser un petit commentaire, une petite note là. Ça ferait du bien au Collard Finger qui a dû être opéré à l'hôpital cette semaine. Là, t'es venu aujourd'hui ici, t'as pas le Collard Finger avec toi du tout. Même que je dois t'avouer qu'il est arrivé un accident avec le Collard Finger, genre. Ah ouais. Mon gars l'a vu puis il s'est excité. Et puis, le Carl Finger a dû avoir une petite opération légère à l'index. Oh, ah ouais. Ouais. Ah. C'est rough pour lui. Là. On vous rappelle que c'est quoi? C'est 100 signatures. 100 signatures, puis il va être de retour en forme. Excellent, parce que pour l'instant, anyway... Zéro signature à date. Ouais, puis on call out tout le monde de toute façon, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et voilà. En tout cas, ça c'est mon opinion à moi, GF. Je veux remercier aussi nos deux donateurs sur Patreon parce que oui, on a réussi à avoir deux donateurs, je sais pas comment, André Hull et puis Étienne Cormier. Merci les boys qui nous ont financés sur notre Patreon. Fait que si ça vous tente de collaborer au show de manière financière, dans le fond, patreon.com/YankMedia, donc YONK media.com. Je pense que les plugs sont faits à part Twitch. On est sur Twitch maintenant. Venez nous écouter directement sur Twitch. On a fait un pre-show de Jeff tantôt, toi puis moi. Oui. On a joué à Super Blood Hockey dans le salon un petit 20 minutes là, avant, parler avec les fans. Donc, on va faire ça, c'est pour un peu mousser notre canal Twitch, dans le fond, à ce jour-là. Ouais, en 4K. En 4K? Ah, si seulement. Les jeux Super Blood Hockey en 4K, ça serait merveilleux. Mais ouais, twitch.tv/la soirée du podcast. La qualité est bien meilleure que sur Facebook Live. Moi, je vous dis ça comme ça. Donc, on va aller faire l'avant-match. J'essaie de prendre les commentaires en même temps, mais j'ai comme pas assez d'écran en ce moment devant moi pour tout faire ça. Je suis un peu loin de mon laptop. Mais bon, les positions du pool, il est pas là. Fait que c'est moi qui vais aller faire les positions du pool. Fait qu'on va commencer par le top 5 en ce moment du pool de la soirée du podcast sur marqueur.com. Donc, en 5e position, Alexandre Brisebois. 4e position, Louis-William Gagné. 3e position, Maxime Isabelle. 2e position, Guillaume Touga. Et première position, Marc Belletête. Oh! C'est un nouveau champion dans la première place. Un new contender, ouais, qui s'en vient. Sinon, pour ce qui est des positions de nous-mêmes, les membres de la soirée du podcast, Marthe, Véro, ou Guy, ou Marthe, tu sais, ça peut être ça. J'aime beaucoup Marthe. Marthe. Marthe Véro. Marthe Véro, 11e position. Après ça, on descend. On descend encore. Hey, on n'est pas très bon en date. Dave Thibodeau, numéro 32. Moi-même, Jeff Cromp, numéro 34. Après ça, on a... Alex Galipo en 43e position. JF Mallette, 46e position. J'ai monté. T'as remonté. Et puis le dernier, mon frère Alex Cromp, qui est en 53e position sur 59. Je sais pas si j'ai un blanc de mémoire, mais il me semble que ton frère était dans le top 10 là, 2 semaines. Là. Ouais, il me semble qu'il t'avait écœuré au dernier podcast qu'on a fait. Je pense que je vais lui poser la question demain, justement. Là. Vous allez voir ça sur Insta Story. Ouais, il y aura des Call of Finger puis des Des engueulades sur Insta Story. On s'en fait avec des accolades. Oh, ouais, toujours, là. Écoute, on fait ça pour le fun. Écoute, Jeff, il y a autre chose à parler avant qu'on commence le podcast? Non. Parce que là, vu qu'on est juste deux, on va faire le podcast d'une traite. Là, on fera pas un 3 périodes parce que, bon, ça donne rien, dans le fond. C'est ça que je dis. On va y aller d'une shot. Là. Ouais, c'est ça. On est prêt. Mais on va quand même un peu faire la même structure que d'habitude là, pour ce fois-ci. Fait qu'on va avoir encore une fois retour sur les derniers matchs. Après ça, on a des extraits de Marc Bergevin qui, selon moi, a des comptes à rendre. On va voir si ses commentaires sont satisfaisants ou sont tout croche comme d'habitude. Ouais. Puis t'as 3 petits points pour Around the NHL à la fin. Fait ouais, que, mettons des sujets chauds. Regarde, commençons le podcast. Hein. C'est un buzzer, pas de timer. Fait que, on va y aller tout de suite pendant que je termine ma bière avec le résumé des matchs. Fait que la dernière fois qu'on s'est parlé, le Canadien n'était pas en très bonne position. Non, on espérait une fiche de 500. On était à 1-7-1, qui n'était vraiment pas une bonne fiche. Non. Donc, on était à 9 matchs. Peut-être pas 1-7-1, mais je pense que ça ressemblait à ça. On n'avait pas beaucoup de vues. On avait comme 2 victoires. 1-6-1, je pense. Ouais, peut-être. Donc, allons-y comme ça. 24 octobre, victoire de 5-1 contre les Panthers. Yes! Après ça, le 26 octobre, une défaite de 4-0 contre les Kings. Le 28 octobre, une victoire de 5-4 contre les Rangers. Ensuite, 31 octobre, une victoire de 8-3 contre les Sénateurs. Montoya devant le filet. Carlson a eu son pire match en carrière, je pense. Moins 6. C'était fou, Ren. Le 2 novembre, une défaite de 6-3 contre le Wild. Le lendemain, on annonce que Price est blessé au bas du corps. Bizarrement, il n'était pas blessé à la fin de la game. Il avait déclaré en entrevue avec les journalistes. Qu'il était blessé? Ils ont posé la question, est-ce que tu es blessé? Il a dit non. Ah, OK. Ça dépend de ce que son avocat il a dit après de dire. Peut-être. 5 novembre, victoire de 2-0 contre les Hawks. Lindgren devant le filet. Le 7 novembre, une victoire de 3-2 contre Vegas. Lindgren, encore une fois, devant le filet. Et hier, 9 novembre, une défaite de 3-0 contre le Wild. Lindgren est encore devant le filet. Drouin n'était pas là pour des étourdissements que tu as marqué. Ouais, c'est ça qui était dans le site officiel du Canadien Montréal. Je pensais qu'il avait reçu une puck sur la main, moi, avant ça. Ben, d'après moi, c'est parce que quand le match est en direct, les journalistes puis le broadcast essaient de trouver des séquences qui pourraient expliquer la blessure. Fait qu'on voit clairement qu'il essaie d'attraper une rondelle avec sa main. Mais on le voit après ça avoir mal à la main. C'est ça, mais finalement, c'était pas ça du tout parce qu'il avait dit aussi, mettons, après la pratique, finalement, c'est pas une blessure à la main. Fait qu'ils ont dit que c'était des étourdissements, puis je pense que c'est une mauvaise traduction parce que je me dis c'est peut-être sickness ou dizziness, là. Mais j'espérais juste que c'était pas comme une commotion, là. Ben non, mais on l'a vu clairement avoir mal à la main, puis se pogner la main au banc. Il s'était enlevé le gant, s'était dénudé la main, puis il se frottait la main. Parce que je sais pas pourquoi, avec Drouin, il se dénude pas mal de sensé au banc. Ouais, il est pas chanceux cette semaine. Et l'autre fois, cette semaine, justement, il s'est baissé les culottes parce qu'il y avait de la crème qui faisait mal. Il a mal aux jambes, puis il s'est mis comme genre un tas de crème ses cuisses, puis ça brûlait, fait qu'il a dû se déshabiller dans le. Non, je pense que. Non, c'est pas ça. Je pense qu'il y avait eu 2 matchs en 2 soirs, puis il était irrité. Fait qu'il s'est mis de la crème pour pas que ça l'irrite. Okay. Ça y chauffait, tu sais, entre les cuisses. Là. Son jackstrap, il était mal attaché. Fait que ça y a fait des petites rougeurs. Là. C'est pour ça que. OK, fait qu'il a capoté. Puis il a fait ça devant Touré Lekkonen qui regardait Drouin pendant ce temps-là. Puis t'as Weber aussi hier qui a déclaré forfait qui est pas venu. Lui, par contre, il n'y a pas eu de détails sur qu'est-ce qu'il y avait. Pas du corps? J'ai aucune idée. Je sais pas c'est quelle partie du corps. J'étais même surpris parce que il n'y a rien qui montrait qu'il allait être blessé, Weber. Là. En tout cas, j'ai rien vu du tout, du tout, du tout. Tête de flou. Probablement. C'est là que même j'ai lu des gens supposer qu'il y avait peut-être une épidémie de gastro chez le Canadien déjà. Mais il aurait dit flou si c'était ça pour Weber, me semble. Exactement, mais c'était pas le cas. Fait que on se retrouve aux conclusions tout de suite, puis ils devraient jouer demain. Ils sont pas transparents. Mais bon, donc c'est une belle fiche. Là, on a quoi? On a 6-3, donc ça c'est en haut de 500. C'est comme très bon. Donc d'ailleurs. Faut qu'on maintienne ce rêve-là jusqu'à la fin de la saison. Ah, écoute, Jeff, le podcast, ce soir, va falloir que tu me remontes le moral parce que je suis comme en dépression du Canadien. Je me laisse pousser à la barbe, j'ai des cernes, je dors plus. J'étais écœuré. Les gens l'ont dit l'autre fois, il y a du monde qui voulait me faire un câlin après le dernier épisode. Parce T'es que, sérieux? Ouais, j'ai vu des commentaires de ça parce que je filais pas. Parce que je crois pas à notre équipe cette année. Puis encore une fois, j'ai beau regarder la fiche qu'on a eu des derniers matchs. Je suis pas encore convaincu qu'on a ce qu'il faut pour faire les séries cette année. J'ai des points positifs, justement. Au lieu de sauter aux conclusions et de dire... Mais tu sais, je suis quand même froid. Là. Je saute pas aux conclusions. Je sais c'est quoi le hockey. Je sais qu'une saison, c'est long quand même. Il y a un petit peu de lumière au bout du tunnel. Ouais, tu penses ça? C'est ça que je voulais te dire. Je voulais te montrer la clarté du chemin pour que tu puisses voir ce qui s'en vient. Puis, je pense que... si on peut oublier les deux premières semaines, trois premières semaines de la saison, ce qu'on voit du Canadien de Montréal, c'est une partie du potentiel qu'on est capable d'atteindre pour se rendre jusqu'au bout au mois d'avril. Là. C'est-à-dire à la fin de la saison, puis faire les séries. Effectivement, ouais. Ouais. Fait que là, on continue sur le pacing, dans le fond. Fait que notre fiche de 6-3, Foucault a été rappelé aujourd'hui en urgence parce que Montoya s'est blessé au bas du corps. Pas au bas du corps, lui, c'était au haut du corps. Haut du corps, excuse-moi. Que, possible commotion en raison d'un tir de Dawson Bufflin reçu en plein ça, visage. Ça, c'est ma supposition à moi. C'est parce ta supposition, que le match qu'il y a eu samedi, il a reçu un slap shot directement sur le casque. C'était un match solide, puis ça l'a sonné un peu. Puis slap shot sur le casque, là, c'est... Mais même ce que j'aimais, c'est que pour une des rares fois, Patrick Lalime m'a expliqué un peu qu'est-ce que c'était de recevoir une shot sur le casque. Puis il dit, tu sais, ça donne tellement un choc. C'est comme un impact, tu reçois. Oh, il dit, écoute, ça secoue, puis c'est, ça fait mal. Même si tu as un casque, tout ça, ça résonne là, dans la tête, tout ça. Puis. C'est comme recevoir même un coup de poing sur le bord de la tête ou dans le front. Ça, quasiment, mais là, c'est une shot peut-être à. Tu sais, sur ces buffs-là, c'est sûrement pas loin de 100 000 à l'heure, là. Fait que c'est peut-être t'es qu'avec plus 100 le temps. Ouais. Tu sais, je suis pas médecin, mais est-ce que les symptômes de commotion cérébrale peuvent apparaître 4-5 jours après l'incident? Ah oui, ben oui. Fait que je pense que c'est pas mal ça qui est arrivé, là. Je pense même que c'est une des raisons pourquoi ils n'ont pas voulu y aller avec Montoya dimanche, d'après moi. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est parce que Montoya était a malheureusement les mêmes stats que Price. Fait qu'ils ont préféré tenter leur chance avec un autre gardien de but. Là. Ouais, ouais. Mais non, commotion. Puis Foucault va être là demain. Fait que ça risque d'être un duo Foucault et Lindgren pour le match contre Buffalo. Justement, tu parles de Price. On va revenir sur Price là, parce que là, on a un ordre des choses. Toi, tu veux y aller dans le positivisme aujourd'hui. Parce je vais commencer par ça au moins. Éternel positif. Fait chier un peu d'ailleurs. Là. mais en tout cas, je suis toujours pas convaincu qu'on est en bonne position en ce moment. Je sais pas qu'est-ce que Claude en pense, lui. Non, je sais pas. Écoute. Ah, il sait pas, Claude. Claude qui a fait l'entrée sur le soundboard cette semaine. Ouais, hey, en passant, le match. Non, je sais pas. Écoute. Ah, c'était carré. Le match d'hier, c'est son 200e match en carrière avec le Canadien Montréal. Le Canadien, ouais. Ouais. Ouais. Félicitations. Bravo, Claude. Tu as toujours aussi l'air de boule dans Harry et sa gang. Puis ça me fait plaisir. Ça va rester. Fait que t'as marqué sa feuille, Jeff. Commençons par ce qui est positif dans l'entourage du Canadien. Oui. Gallagher et Shaw, ouais, les deux vont très bien. Gallagher spécialement. Je vais chercher mes stats pendant que tu veux en parler, là, mais il est sur une bonne lancée en ce moment. Mais comme d'après moi, on dirait que l'élément déclencheur qui a fait que ces gars-là ils ont comme changé à sixième vitesse, si on peut dire ça comme ça, c'est le match à Anaheim en deuxième période. Gallagher, c'est incroyable, le leadership qu'il a montré. Le gars, là, il veut gagner, il est frustré sa glace. Ouais, ouais. Il est devenu le Gallagher qu'on a aimé, mais meilleur, parce qu'il produit plus qu'il en produit au début de saison. Tu vois, en ce moment, Gallagher, en 17 games, il a 7 buts, 5 assists, 12 points avec un différentiel de moins 3. Ce qui, je pense, c'est son meilleur début de saison en carrière. C'est un très bon début de saison à date, là. Puis même Andrew Shaw, non seulement il produit cette année, mais en plus de ça, il montre beaucoup de leadership sur la glace. Puis Andrew Shaw, la game contre Anaheim, là... Shaw, 3 buts, 5 passes, 8 points, moins 6, par exemple. 20 minutes de pénalité, Shaw. Parce que dans le fond, c'est sûr, il va aller chercher... C'est un agitateur! Il dérange. Puis même, il y a eu des accusations pour lui dans le match contre Anaheim avec des propos homophobes qui auraient dit sur la glace. C'est encore... Il n'y a pas eu de preuves. Ouais, je sais, là, mais c'est encore lui. Mais c'est pas la première fois que ça y arrive. La fois que je me demandais des propos homophobes, là, c'est quelqu'un qui dit « Fuck you, suck my dick », là, c'est-tu considéré non. comme... Non, ça, non. Ben, je pense que c'est ça qu'il dit. OK, ben, c'est pas... En tout cas... Ça, c'est mon interprétation à moi, mais je pense pas, là. Ben, pour toi, homophobe, c'est maintenant que t'insultes un homosexuel? Non, ou tu traites quelqu'un d'homosexuel avec des slangs, genre, comme de pas correct, là. Je veux juste pas les répéter sur le podcast, ouais, là, ces mots-là, là. Mais des mots qui commencent par F, mettons, là. Okay. Pour des homosexuels, tu t'es pas supposé dire ça. Parce que techniquement, eux autres sont en milieu de travail, là, tu sais. Le hockey, ça va être un sport, là, c'est régi, c'est une ligue alentour. Fait qu'il y a comme une limite de sulte que tu peux dire tu aux peux gars. Pas, ouais, tu sais, il y en laisse passer, mais il y en a que tu peux pas aller dans certaines directions. Là. Dis autant de fuck que tu veux, là, mais... Ben, je pense que la manière que c'est géré pour ces affaires-là dans le national, c'est comme un petit peu, mettons, un prêtre dans l'église un dimanche. Fait que, il va te taper ses fesses. Je pense que, genre, un mauvais mot est considéré comme une action extrêmement grave. Ben, ouais. Je le défendrais pas, là, pour parce qu'il y a déjà eu une amende pour ça. Mais, tu sais. Mais ils n'ont pas d'autorité parce qu'il n'y a aucun mineur qui joue dans la NHL. Fait que c'est pas comme des prêtres. Fait que on est correct. Puis je trouve que, tu sais, il fait tout. Là. Le gars, il a montré du leadership. Oh, il voulait, il essaie de se battre, il essaie de provoquer des choses, mais ça donnait un peu de momentum. Chat, il fait ce qu'il a à faire. C'est juste son contrat qui me dérange tout le temps, puis qui va tout le temps me déranger la durée du contrat. Son contrat, c'est 3,9 par année, mais ça. Je trouve quand même qu'on le paye un peu cher, le chat, mais. Ben, c'est parce que c'est un gars que tu vois en temps normal dans un troisième trio. Puis l'affaire, c'est qu'on avait un gars qui était presque pareil en Gallagher. Sauf que là, en début de saison, tu t'aperçois que ces deux gars-là, c'est quasiment tes. Je te dirais peut-être tes deux joueurs les plus importants. Il n'y a pas un contrat sur NHL.com. Ah non, il faudrait que tu aies dans NHL Numbers, tu aurais plus de détails. Pour ceux qui ont l'air des détails, c'est contrat, c'est NHL Numbers. Ouais, mais là, je voulais avoir des détails sur les stats parce que je me fous un peu de son salaire dans le fond. Même si on choisit qu'on le paye cher, whatever, on a de l'argent en ce moment de lousse. On a quasiment 9 millions de lousse. Fait que tu sais, on a beau le payer cher. On n'est pas à la gorge, on n'est pas pris de. Non, c'est ça, mais on en a pour notre cash en début de saison avec ces deux gars-là. Gallagher, il travaille tout le temps fort. Puis Gallagher, c'est sa troisième ligne. Ça fait le temps par payer là, de travailler fort de même. Là. C'est ça, c'est des genres de gars comme ça que tu vas avoir avec toi, puis en feu pendant les séries. Là. C'est des gars importants, ça. Après ça, tu as dit le trio de Pacio, Dano et Shaw. Ouais, surpris de ce trio-là, honnêtement. Pacio, cette année. Ben, depuis qu'il joue avec ces gars-là, Pacio a commencé à produire à un rythme plus régulier. Ouais. Ben, j'ai fait une étude, dans le fond, en moyenne. Là. Pacio marque en moyenne 30-35 buts par saison. Genre. Puis ça arrive souvent qu'il marque genre 2 buts par game. Ouais, ou qu'il marque contre les teams qui sont pas bons. Ou Ben, c'est parce que dans le fond, c'est ça. Si on fait une statistique de Pacioretty, là, sur 82 matchs, il y a en moyenne 55 games où ce qui ne marquera pas de but. 55 games sur 82. Ouais, mais c'est ça, fait que ses stats sont un peu faussées dans le fond. Là. C'est parce qu'il va toujours produire dans une séquence. Tu sais, quand Martin il parlait, là, Marthe. Qui disait que Pacioretty a un flocon, puis après ça, il dit qu'il peut être en feu. Mais c'est exactement ça. Il est bon une couple de games, il va en scorer 2 par game des fois dans cette séquence-là. Après ça, oups, il devient en flocon. Ouais. Puis là, il est hashtag flocon. Puis l'affaire, c'est quand il est en flocon, Pacio est invisible sur la glace. C'est pas. Ouais, mais il est rarement un game changer, Pacioretty, je trouve. Il l'a déjà été. Ben non, mais c'est ça, je te dis, il l'est rarement. Puis okay. Tu sais, le fait d'être capitaine, tantôt, Marc va en parler là, dans les extraits audio, mais ça y met trop de pression en plus de pas être un gars qui est un frontman, qui est pas le gars qui va aller en avant de tout normalement. Puis j'ai comme l'impression qu'il paraît qu'il est overrated à Montréal. Ah oui, ben. Tout le monde à Montréal est overrated. Tout le monde à Montréal joue au moins un trio trop haut de ce qu'il devrait jouer dans une autre équipe, de toute façon, pour tous les joueurs, quasiment. Fait, à part peut-être Price, mais ce début de saison-ci est pas bon pour Price. Fait que je peux même pas dire ça. Là. Ouais. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? Drouin au centre. Bon, ben ça, oui, tu sais, Drouin, quand il fait la job au centre. Là, le dossier, on peut dire qu'il est clos, dans le fond. Drouin peut jouer au centre. Ouais, il peut jouer. Si c'est la meilleure position pour lui, ça, on le saura jamais parce qu'on le verra probablement pas jouer à l'aile parce qu'il va tout être prêt à jouer au centre puisqu'on n'a rien de mieux à mettre au centre. Là, mais en ce moment, oui, il fait la job. Là, ça, s'il est pas en train de se frotter les fesses avec de la crème sur le banc. Oh, ouais. Puis ça m'a manqué qu'il était pas là hier à la game. J'ai senti qu'on. À l'attaque, il est le fun à regarder jouer Drouin. Là. Il bouge bien la rondelle, il est spectaculaire. Puis je pense qu'on a vu un petit échantillon de Drouin. Puis plus ça va aller dans la saison, mieux il va être. Puis il va être souvent des highlights, je pense, dans la semaine. Là. Tu sais, dans les séquences 30 secondes d'extase, là. Ouais. Je pense qu'on va souvent le voir là, notre petit Jonathan. Hey, il a juste 23 ans, ce gars-là, il vient d'avoir 23 ans. C'est bon, c'est bon. C'est excellent. Puis je me souviens plus dans quel ordre que je l'ai mis, là, mais il y a un petit duo aussi, Jeff, que tu devrais commencer à être emballé. Ben là, t'as Chucky là, qui est le prochain point qui fait bien en ce moment. Il a commencé à se réveiller un peu. Là. Ben là, il est avec Drouin, justement. Là, fait que ça, ouais, c'est ça. Ça peut l'aider, c'est sûr. Là, puis tant mieux si ça le débloque à partir. Là. Puis ce que j'ai aimé de Chucky. S'il peut arrêter de bouder Calis, ça serait déjà ça. Là, hier, avant la game. Là, il joue bien. Les dernières games, il a bien joué. Je peux pas rien dire contre Chucky vraiment dans les dernières games. Sauf celle d'hier que tout le monde a mal joué pas mal. Là, ben Chucky, il s'est bien débrouillé quand mais même. Oui, quand même. Ce que j'ai aimé de Galchenyuk, c'est qu'hier, à pratique, il est arrivé à l'avance, puis il y avait un mouton de puck à côté de lui, puis il s'est amusé à shotter au net. T'sais, il pratiquait son shot, il se réchauffait. Fait que j'ai comme l'impression que là, il est en mission. Le gars, il sait qu'il y a quelque chose à prouver. Ben, si il perd avec Drouin, puis que Drouin, de ce que j'entends puis que ce que je lis sur Drouin, c'est que il était son affaire, ce gars-là. C'est un playmaker en plus. T'sais. Non, mais c'est un playmaker, mais je veux dire, il était son affaire, sa glace, et puis il fait ses entraînements. Puis un pro. C'est un pro, il est sérieux dans sa démarche, mais peut-être que peut-être que ça va motiver Chucky à suivre cette voie-là au lieu d'être comme avec un si beau lieu et être à la brosse d'un party des chevaliers au kiff, là. Calice, là. Tant mieux, sérieusement, si ça fait débloquer Chucky, tant mieux, puis soit que ça va monter sa valeur, on pourra l'échanger ou on pourra le garder s'il finit par être stable, parce que c'est l'autre problème à Chucky depuis sa blessure, il n'y a pas de stabilité. La constance est plus difficile. Il n'est pas constant, c'est ça. Fait qu'il faut qu'il soit constant. Là. Ben, mettons, là, toi, tu vois le potentiel de ces deux-là, là, tu vois-tu quelque chose de grand ou quelque chose de bien? Oh, ça peut faire des flamèches en maudit. Là. Ça peut être ton meilleur duo de l'équipe. Là. C'est excitant. Puis en plus, tu as Lekkonen qui joue avec eux autres. Puis Lekkonen, c'est trois bons, c'est ça. Fait que ces trois-là. Là, hey, ça peut être un trio, notre premier trio pour des années. Ça peut être un vrai premier trio, ça. Si Chucky débloque puis est constant dans sa progression. Croisons-nous les doigts. Fait que ça, c'est une grosse lumière dans la face. Ouais, mais c'est ce que j'aime pas du Canadien. C'est tout le temps ça. C'est on va se croiser les doigts que ça va être correct. Puis souvent, on se fait fourrer ou on est correct une saison. Puis... Mais là, on peut rien dire. Pour les dernières games, ils ont crissement mieux joué que ça. Ça s'en va dans la bonne direction. Puis finalement, t'as dit la défensive se replace, bataille à un contre un. Oui et non, là. Oui, ben justement. Je te dirais que Petrie, il joue encore comme la crise de marde, là. Il commence à mieux jouer. Hey, tu l'as-tu vu se faire passer hier ou. Ça fait deux games de suite qui s'arrive, mais il prend le temps de se reprendre parce qu'il y a eu la game contre Wild, contre Vegas. Je sais pas que j'ai entendu dire ça. C'est, il joue trop la puck, puis passe le joueur, puis souvent il se fait passer à cause de ça. C'est pour ça que dans le fond, ce que j'aime, c'est que d'un pratique, Claude Julien, là, il a commencé à se concentrer sur les batailles un contre un parce qu'en début de saison, on les perdait toutes ces batailles-là, surtout à défensive. Puis au moins, je vois que Petrie commence à venir tranquillement, puis s'il part une stabilité avec son partner, là, parce que Petrie va t'en faire des erreurs. C'est sûr, parce que c'est un gars qui prend des risques, il appuie l'attaque. Fait que ça te prend un défenseur qui est stable. Mais Jeff, il appuie l'attaque, et c'est un défenseur à la base. Fait que quand il t'arrête de remplir sa fonction de défenseur, il va t'en laisser passer une coupe. Oh, mais il faut pas qu'il. Si c'est parce que c'est son repli défensif qui est trop slow, c'est une affaire. Si c'est parce qu'il manque, il se fait passer comme un pee-wee devant le net, il est déjà à défense, il est pas en train de reculer. C'est comme, fais ta job de base quand même, là, si t'es un défenseur défensif. Là. Il appuie pas l'attaque tant que ça. Il est quoi? Je vais aller voir que c'est stats pendant que j'ai ça ici. Je pense qu'il y avait quelque chose comme... au niveau des points. Je pense qu'il y a deux buts depuis le début de la saison. Ah, il y a deux buts, trois passes. Il y a cinq points. Il était à moins 6. Oh, c'est bon. Je pensais qu'il était à moins 150, mais... Non, mais une affaire, par contre, qui faisait mal en début de saison, c'est juste une petite affaire négative. Ouais, j'ai regardé les stats samedi passé contre les Jets. En désavantage numérique, là, on est quasiment dernier dans la ligue. La majorité des buts qu'on s'est fait passer dans notre mauvaise séquence, là, c'est tout en désavantage numérique. Fait que c'est terrible. Non, mais c'est clair, la défense est déjà à chier à base. Fait que là, t'es surtaxe là-dessus. Aucune structure au niveau du positionnement. Fait que c'est ça, j'étais comme un peu contre ton point qui disait que la défensive se replace. Je trouve pas que ça se replace tant que ça. Ou en fait, si ça, c'est se replacer, on voit en ce moment le meilleur hockey que cette défensive-là peut nous offrir. Je pense qu'il y a encore du potentiel. Je pense pas qu'il y a mieux, moi, qui peut venir de cette défensive avec ces joueurs-là. Il y a des bons joueurs dans notre défensive, mais on n'a pas l'équipe défensive pour aller plus loin. Je pense que Carl Hasner, il y a encore beaucoup de choses à prouver. Petrie, je pense qu'il est capable de se replacer. Petrie, là, Carlis, il faudra qu'il se replace rapidement parce que the clock is ticking. Ben, l'affaire, c'est je pense qu'il y a une clause de non-échange en plus, ce gars-là, puis à 5,5, ça ne sera pas dur. Il est mieux de se placer parce que... Il est mieux de comprendre. Oui, Michel, toujours dans mon cœur. Puis le défenseur, je trouve que c'est de plus amélioré. Toujours dans ma gorge, Michel, avec un peu de grotte sauce de poulet. Un classique. Le défenseur que c'est le plus amélioré, selon moi, c'est Jordy Benn, parce que lui, je trouvais que c'était dégueulasse en début de saison. C'était terrible. Puis là, il joue super bien ces temps-ci. Il a même scoré à Chicago, dans le fond, le plus gagnant même. Tu t'attends pas à ça de Jordy Benn, par exemple? Non, fait que le gars, tu vois qu'il contribue, puis c'est plus. Il joue plus dur, il est plus impliqué, il fait moins d'erreurs. Fait que j'apprécie que Ben s'améliore. Mais j'en veux plus de Petrie et Carl Hasner parce que c'est ta deuxième paire, Chris. Fait qu'il faut, c'est important, c'est des gars de 20 minutes minimum. Ouais. Hey, en tout cas, genre, on s'est-tu trompé sur Hasner, je sais pas. Petrie, je commence à regretter cette signature-là. Pour moi, Hasner, il s'entendait beaucoup plus que ça. Je peux pas croire qu'ils sont satisfaits de son travail à l'heure actuelle. Je peux pas croire qu'ils sont satisfaits du travail de Petrie non plus. Là. C'est... Non, mais est-ce que Petrie, à chaque année, on espère tout le temps. Puis là, c'est cross. Mais il est rentré fort pourtant. Petrie, pour les années, il était bon à Montréal. Il avait bien fait. Si je me souviens bien, on retourne en mais arrière. Mais on se répète tout le temps là, là-dessus. Tu sais, l'année que Price était blessé, là, ouais. En début de saison, Petrie allait bien. Ça, c'était comme, mettons, sa première année de contrat. Puis après ça, il s'est blessé à Dallas. Je me rassure parce qu'on faisait on était chez Day, on faisait la fête. Et puis, possible. Depuis ce temps-là, Petrie, puis l'année passée, début de saison, avec Markov, super bien été. Après ça, c'est il est en séquence, mais tu sais, il peut pas être bon juste le quart de la saison. Il faut qu'il soit bon au moins une bonne partie du temps. C'est ça, là. Surtout que c'est un contrat-là, come on. Là. Ouais, c'est un gros poids. C'est un gros boulet pour Bergevin, surtout qu'il investit beaucoup de sous à la défense à l'heure actuelle. Ah, oh, mais tu sais, qu'est-ce qu'il dit, Marc, là? Marc, écoute, je vais dire. Fait qu'avant de passer au dernier point qu'on avait ici sur la feuille, t'avais-tu des plus, des moins, ou genre de quoi tu te dis sur les autres joueurs de l'équipe? C'était pas mal ces points-là que je voulais mentionner parce que je trouvais que c'était ça qui était le positif. Hey, commençons par ça, puis après ça, on verra. Disons un point vraiment positif en ce moment. Je pense que Plekanec joue son meilleur hockey des dernières années en ce moment. Là. C'est parce que l'équipe allait pas super bien qu'il a l'air de mieux jouer, comme je disais. Puis lui, il est un médiocre, mais ça paraît mieux quand l'équipe joue mal, peut-être. Mais ben, je pense que. Mais il est pas super, là, de s'en jouer. En jouant puis Gallagher, ça doit l'aider. T'sais, Gallagher, c'est le gars qui a peut-être le meilleur début de saison du Canadien. Puis Plekanec joue avec. Fait que c'est Gallagher qui va être dans le trafic. Fait que Pleky peut mettre sa jupe puis rester à l'écart un peu. T'sais. Puis Plekanec puis Gallagher jouent ensemble en série l'année passée. Puis c'était ton meilleur trio. Là. Fait que d'après moi, il est sur une petite lancée. Mais ça sera plus. Mais il ne faut là. Pas. Si Marc va trouver le moyen de leur signer à 12 millions pour 2 ans. J'ai entendu prochaine. Une rumeur Chris. Aujourd'hui comme quoi que Marc est en négociation avec Plekanec pour lui donner un autre contrat de 2 ans. Mais c'est de la merde. Ça vient d'un blogueur que je déteste. Fait que je pense pas que c'est vraiment dans les plans. Je te dis, il est capable de donner 12 millions 2 ans. Ça va être dégueulasse. On va être en tabarnak. Ça, c'est beaucoup trop pour ce que Plekanec peut t'amener. Ah, je sais, aujourd'hui. Mais il est capable de faire ça, Bergevin. Je suis sûr qu'il est capable de faire ouais, ça. Ouais, ben je penserais pas. Tu sais, je suis prêt à gager pour ça qu'il signera pas. Ouais, ben je mets ça pour mettre ça on tape si jamais ça arrive. Là, comme, on va pouvoir réviser ça le 2 juillet. Ouais, mais là, il faut parler de l'affaire Carey Price parce que c'est là qu'on est rendu. Ouais. Okay, Carey Price, comme on dit tantôt, pas blessé après une game, finalement, blessé le lendemain. On sait pas trop. Il y a plein de rumeurs, ça ses patins, son équipement, sa cheville, on sait pas. Qu'est-ce qui se passe avec Price? Ben là, est-ce qu'il couvre de quoi? Est-ce que le Canadien a couvert Price pour qu'il règle des problèmes? Beaucoup de les blogueurs sont bien contents en ce moment. Ah mon Dieu, ça fait couler l'encre. Il y a bien du monde qui tape sur un clavier bien fort en ce moment. Là. En cap lock, ouais. Avec une main des culottes. tu as-tu parlé de quelque chose avant qu'on parle des rumeurs sur Price ou? Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'il est vraiment blessé? Oui, parce que tu sais, moi, j'ai. Toi, tu penses qu'il est blessé depuis le début de la saison, c'est ça, là? Ben, j'ai écouté, dans le fond, un analyste sur à TSN, Pierre Maguire, que lui, c'est un rat de patinoire. Il est partout, tu sais, il suit beaucoup les games à travers la ligue. Et puis, lui, il avait remarqué depuis le début de la saison, il dit il y a quelque chose qui ne va pas avec Price parce que ses mouvements ne sont pas les mêmes. Ouais, mais ça, on l'a dit même au podcast, on disait que c'était plus la semaine latéraux. Sans nécessairement marchait... faire un parallèle avec avec une blessure. Non, sans blessure, il y a quelque chose qui faisait qu'il n'était pas aussi tight dans ses déplacements. Il n'était pas tout le temps. Avant, on le regardait et on disait hey, ce qu'il fait là, ça a l'air facile. Il est tout le temps bien positionné. Là, c'était laborieux, ça allait mal un peu. Fait que c'est pour ça que lui avait remarqué ça. Fait que quand il a su qu'il a eu la blessure, ça ne l'a pas surpris. Puis là, après ça, le monde, écoute, les journalistes disaient ah, ils ont le Canadien nous même. Mais finalement, Marc Denis a dévoilé à Hockey 360 hier que Carey Price, il y a un malaise avec ses patins. Fait que probablement qu'il y avait une blessure, puis son patin ne l'aidait pas. Fait qu'il est revenu avec son ancienne paire de l'année passée. Puis même à TSN, encore une fois, un autre analyste a dit ouais. Carey Price serait blessé à la cheville. Ben. Selon ses infos, puis ça, c'est Bob McKenzie. Moi, je crois pas qu'il est blessé depuis le début de la saison. Ça, c'est pour moi, c'est quasiment impossible. L'équipe médicale aurait vu qu'il était blessé ou quelque chose, puis il ne l'aurait pas envoyé sur la glace s'il était blessé. C'est ton goaler, c'est ton joueur de concession. Tu veux pas que l'envoyer à moitié blessé pour un début de saison, que tu t'en crisses un peu en même temps parce que ça vaut pas la peine. Tu n'as pas assez d'enjeux pour risquer de blesser plus Price par-dessus. Là. Je trouve ça bizarre qu'il dit qu'il n'est pas blessé le soir. Le lendemain matin, ils disent qu'il est blessé. Après une autre défaite, est-ce qu'il est en dépression? Est-ce qu'il boit de la poinçon? Il y a bien des possibilités. J'ai aucune idée. S'il y a des problèmes dans sa tête ou s'il y a des problèmes familiales, ben, que le Canadien le couvre, c'est bien correct dans un sens. Là, parce que peut-être qu'il nous ment, peut-être qu'il nous ment pas. Je le sais plus quoi penser. Il y a trop de rumeurs, mais je trouve ça louche pour vrai. Ben, on a la version officielle qui était sortie. D'après moi, il se fait checker des condylomes ou quelque chose. Là. Mais là, c'est ça. Je me suis amusé à voir un peu ce que le monde pensait puis ouais. Tout ce qui sortait. Ouais, ouais. Tu parles des rumeurs ici? Ouais, les rumeurs sur Price. Qu'est-ce qu'il y aurait, Price? Fait qu'on a sorti un top 5 des meilleures rumeurs qu'on aurait entendues, vues, lues sur Internet de tous les c'est blogueurs. Ça, je te dirais que les rumeurs ont débuté en février dernier quand que Claude Poirier a appelé au 91.9 pour dire qu'il y avait de l'information incriminante sur Carey Price, mais qu'il n'avait pas le temps d'en parler. Puis après ça, il a raccroché à la ligne. Fait que là, après ça, mettons que ça, c'était l'élément déclencheur. Puis tout ce qui arrive avec le Canadien, puis il est-tu blessé, il n'est pas blessé. Ouais, ouais. Là, j'ai trouvé un top 5. Fait qu'un top 5, je mets de la musique. J'avais ça dans le soundboard. Top 5 des rumeurs sur Carey Price. OK, on va y aller comme ça. Donc, en cinquième position, l'équipe aurait tenu un meeting avant une pratique à Winnipeg. Et après ça, on annonce que Price s'est blessé au bas du corps. Pendant ce meeting-là, Price se serait battu dans le vestiaire avec un coéquipier, puis se serait blessé pendant l'incident. Ouais. C'est juste... Une bataille, genre, je sais pas, Segmont Toya, puis il y a une collision lui avec. Là. Il a son poignet. C'est Price qui a essayé de faire un swinging kick dans les airs, puis il a pogné le pied sur le bord de la tête, s'est blessé à la cheville. Puis la personne qui a parti de cette rumeur-là a même dit que, dans le fond, il soupçonne que ça pourrait être avec Pacioretty, parce que tout d'un coup, Pacioretty s'est mis à produire à Winnipeg à cause de la bataille. Ça l'a mis dedans. Fait que Price s'est battu, blessé, retiré du match. Quatrième position du top des pires rumeurs, celle-là, je pense, c'est ma préférée. Il y aurait un sex tape impliquant Price et les frères Costitin. L'affaire qui est drôle, c'est quand j'ai Saint lu ça. Three Way, c'est quoi? C'est ça, je sais pas, parce que c'était écrit de même. Un sex tape avec les frères Costitin. OK, il était trois, genre. C'est comme bizarre. Puis d'après moi, si ça s'est produit ça. C'est ça, à l'époque que Price était à Cuba avec 12 clubs dans la gueule. Ben, dans ses débuts, là, dans le temps où ce que les frères Costitin s'est fait pogner avec le fameux scandale de vodka puis de drogue avec l'affaire Marteau, je sais pas trop. Là. c'est dans cette époque-là. Puis, il y a eu beaucoup de rumeurs à ce moment-là sur Carey aussi, là, mais c'est un sex tape. C'est tout ça que, selon Claude Poirier, l'avocat aurait saisi dans un bar. Ça n'a aucun sens qu'il y ait un sex tape dans un bar. Ouais, c'est comme ça, des magouilles dignes de District 31 puis de Scoop. Là. Ah, c'est fou. Là. Régent Tremblay devrait créer une histoire là-dessus. Ça s'en vient. Ouais. Troisième position des pires rumeurs. Price aurait des problèmes à la maison avec sa femme. Il y a un blogueur qui tente de rassurer le monde en postant une photo de lui et de sa fille. On va taire l'identité de ce blog-là. On va l'appeler pour l'occasion 24 Stanley, mettons. Puis bon, on a vu une photo de Price qui joue avec sa petite fille. Le problème dans ce post-là, c'est que la photo datait de 9 mois. Ouais. Fait que c'est des spéculations qu'une photo qui date de 9 mois quand la fille à Price a un petit bébé. T'sais. Ça, c'est terrible. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est qui? C'est Caleb Hot Dog qui a écrit ça, là? Ou c'est Je pense que oui, le végétarien du club. Le végétalien de 24 Stanley. Ça, c'est juste. C'est triste. Je vois pas c'est quoi le point de faire ça. Puis. Je sais pas, c'est de la merde, non? Mais le point, c'est de faire ce qu'on appelle du clickbait. Puis d'avoir du monde qui va aller cliquer son article. Puis qui vont le lire. Puis qui vont faire. Hey, c'est de la crise de merde, cet article-là. C'est la base de la business de Hockey 30, en fait, ça. C'est le même que ça marche. Puis là, c'est eux autres qui... 25 Stanley le font. Souvent, 25 Stanley sont plus potinage, par contre. Là. C'est moins n'importe quoi que Hockey 30, mais ça reste que c'est quand même n'importe quoi. Ouais. Voilà. Donc, on était rendu position numéro 2. Price aurait couché avec un mineur et sa femme n'a pas apprécié. Bon, OK. Plusieurs choses là-dedans. Là, c'est marqué un mineur. C'est pas marqué une mineure, là. Ouais. OK. Parce que dans le fond, ce qui est arrivé, sa c'est sa femme n'aurait que... pas été contente qu'elle ait couché avec un mineur. Mais là, alors, si c'est un mineur, quelqu'un de moins de 18 ans, c'est quelqu'un qui travaille dans une mine, c'est quoi, là, exactement? Là? On parle de quoi? Bonne question, mais d'après moi, ce que la personne voulait dire, parce que, tu sais, dans le fond, au Québec, il y a des gens qui parlent très bien français, hein? Mais d'après moi, c'était un mineur, genre quelqu'un de mineur, aujourd'hui, c'est 18 ans et moins. Hein? Ouais, ouais. Et puis, il parlait de la femme de Price, genre, t'as couché avec une mineure, tu puis là, le crissé dehors. Hein, tu sais, c'est comme, je sais pas. C'est assez spécial, tu sais. Il me semble qu'on aurait entendu parler. Il me semble que c'est rendu vraiment grave. Fait que t'as comme, tu peux pas étouffer ça, genre, coucher avec une mineure. Ouais, ben, ça, puis c'est comme, c'est un blogueur qui reste cette information-là. Ben oui, tu sais. Tu dénonces ça à la police, mais tu sais, tu considères que de la pédophilie, ça? Oui. Ouais, ben, ça va loin, là, tu sais, j'ai jamais, je sais pas. Mais ouais, c'est ça. Ça tient pas de bout. En tout cas, puis la rumeur, la pire rumeur numéro 1, celle-là, c'est quand même une bonne aussi. Price aurait drogué et violé une jeune femme. Aucune accusation n'a été faite parce que la fille s'en souvient plus. Qui s'en souvient d'abord? C'était son ami. Fait que il y aurait eu. Puis le pire, c'est que Mike Ward a commenté ça. Ça c'est Mike Ward? Oui, parce que dans le fond, où ce que j'ai pogné ça, puis le pire, c'est que le gars a effacé son tweet par après. Là. C'est un gars de nowhere. Qui a commencé à dire « Bon, mais ça va faire le niaisage. Je vais vous le dire, les vraies affaires. Carrie a drogué et violé mon ami. » Puis là, après ça, Mike Ward dit « Ben là, pourquoi tu dis ça? Là? C'est privé. » Puis après ça, mais le tweet a comme disparu. Fait que c'est quelqu'un sur Twitter qui a décidé de dénoncer Price sur Twitter sur la drogue et le viol, puis qui fait partie peut-être du fait que whoop, l'avocat est pas impliqué, puis que le Canadien essaierait d'étouffer la nouvelle aussi, puis ça, là. On verra, là, mais je pense pas que si Price était impliqué dans un scandale, on le verrait se pratiquer avec Stephen Waite sur la glace. Puis, c'est ça. Ça a vraiment l'air d'être une petite blessure. Je comprends pas pourquoi le Canadien dit pas c'est quoi la blessure comme d'habitude, mais ça, c'est le pire. Mais ça date de Gainey, c'est ça, parce qu'ils veulent protéger le joueur. Ça, t'sais, puis, comme si les autres joueurs les visages faits à Price. Là, t'sais. C'est pas tout des Crider. Hey, t'as-tu vu l'affaire que Timmins disait qu'il y avait Crider dans sa main qu'il voulait repêcher? Ouais, c'est ça, il voulait repêcher Crider, mais que Gainey voulait absolument avoir Louis Leblanc. Puis même que. Ok, j'ai beau l'aïe Crider, mais t'as imaginé avoir eu Crider au Louis Leblanc? Ben, il était repêché tout de suite après. C'est ça, t'imagines avoir c'est pris ça, lui? Ça s'arrêtait parce que Louis Leblanc, même Timmins savait que Louis Leblanc avait une lacune au niveau de son patin. Ben, il y avait une lacune, genre son talent au hockey. Sur tout, presque. Puis Timmins avait. Il s'est dit si j'aurais pris Crider au Sandbell, parce que le repêchage Tannell était au Sandbell, il aurait fallu que je sorte avec une escorte policière. Parce que le partisan ici, si les Canadiens repêchaient un autre Américain devant un Québécois, ça aurait été une tuerie. Ouais, mais c'est de la merde, là. C'est un peu de la merde comme commentaire, ça, mais tu sais. De dire que ça aurait été une tuerie et qu'il aurait fallu qu'il y ait une escorte policière. Là, c'est comme... Ben, il y a une tuerie, c'est moi qui l'ai rajouté. Ah non, mais même à ça, une escorte policière, c'est comme, hey, come on, il n'y a pas tant de monde que ça qui capote que ce n'est pas un Québécois qui est repêché. Mais oui, t'as-tu que ça a donné, là? On aurait-tu vraiment été meilleur, c'est avec Louis Leblanc ou un autre? Non, je sais pas, écoute. Mais ben, Claude. Tu sais, quand on a repêché McDonough puis Pacioretty en 2007, si je me trompe pas. Ben oui. Beaucoup de médias et de partisans donnaient de la merde à Timmins parce qu'il avait repêché encore une fois deux Américains. Puis ils ne comprenaient pas pourquoi on n'a pas repêché David Perron et Angelino Esposito. Là. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, ces deux gars-là sont même plus dans la Ligue nationale. Puis les gars qui ont repêché sont Ryan McDonough, c'est le défenseur numéro 1 à New York. Puis bon, Pacioretty, on l'a perdu, c'est une erreur de le perdre. Là. Ah, ça, c'est un passé qu'on ne devait pas revenir. Fait qu'on s'est rendu en deuxième période de Techniquement Jeff. Là, c'est les extraits audio de Bergevin. Fait que finalement, une conférence de presse de Marc Bergevin après la série de défaites du CH. Il avait refusé au début. C'était le 25 octobre, cette conférence-là. Donc, c'était après deux, trois semaines. Après la victoire contre les Panthers. Fait que c'était après le podcast la dernière fois. Exactement. Deux jours après le podcast qu'on a fait, avec mon frère, on était en dépression totale. Et je ne m'en suis pas remis encore, mais bon... Fallait que le bon Marc vienne commenter son début de saison à chier, comme on dit, par chez nous. Fait que, on a quelques extraits, on en a 8. Le premier est quand même long, c'est un 2 minutes, mais ça valait la peine de le laisser au complet. C'est Marc qui va expliquer, dans le fond, le début de saison. Il va dire qu'il est un peu déçu du début de saison, puis il va essayer d'expliquer pourquoi le Canadien a de la misère au début. Oui, c'est certain que le record qu'on a en ce moment n'est pas satisfait, mais il faut que tu mettes tout en perspective. Non. L'an passé, si je me souviens bien, on avait commencé le fait, je pense, de 12-1 au début de l'année. Puis en janvier, on était 4-11, 4-10. Puis on a fini 15-3 ou 4 encore là. Fait qu'il y a des périodes, des hauts et des bas. Puis souvent dans une saison, dans la Ligue nationale, c'est ça qui arrive. C'est certain qu'on n'est pas satisfait, puis j'essaie pas de dire que c'est correct, là, mais je regarde aussi la raison. Pourquoi que notre fiche est comme ça? Moi, en 5 ans ici, on n'a jamais eu un bon voyage dans l'Ouest. Jamais. On commence dans l'Ouest, puis c'était pas la différence cette année, que ça n'a pas bien été non plus, puis on va se le dire. Avant de partir, je pense qu'on a eu des bons matchs. Washington, écoute, j'ai parti dans une saison, tu mets ça dans l'évidence, puis ça, c'était celle-là. New York, je pense qu'on a bien joué, on a eu deux buts refusés, puis probablement que c'est les bons calls, mais c'est arrivé aussi. On joue un bon match, patin de chez Weber dans le but, 1-0. Ah, là, tu vois la confiance, l'attaque un peu. On vient à maison, Chicago, très bonne équipe de hockey, on part bien. Tu sais, des fois, tu as besoin aussi des breaks, puis tu travailles pour tes breaks, mais Jordy Ben vient pour sortir de la rondelle, touche l'arbitre, elle vient, c'est dans notre but. Ah, deux chiffres plus tard, la rondelle, B-Vitré, 2-1. Tu sais, pas la partie 3-1. Toronto, une des meilleures équipes dans la ligue, à mon opinion, une bonne équipe. On perd à l'overtime, Matthews, outstanding. On s'en va, puis. S'en va. Là, on squeeze, on est nerveux. Puis, je regarde la game Anaheim. Tu sais, en première période, je regarde l'équipe, je sens pas d'allure. Deuxième période, c'est une équipe complètement différente. On commence la troisième, encore là, on commence fort. Un but là-bas, on voit le but, brille son bâton dans le but, là. Tu vois l'équipe. Fait que moi, samedi, c'est de la confiance. Hier, même chose. Un début shaky, confiance. Marc, là, on se replace un peu. Premier but de la Floride. On tombe, plus capable de faire une passe de 10 pieds. On marque un, deux buts. Tu vois une équipe complètement différente. Ça, samedi, c'est de la confiance. La réponse est dans la chambre, dans le vestiaire. C'est toujours. Il n'y a pas personne de l'extérieur qui va venir nous aider. On est tous là ensemble. Puis en ce moment, on a une période difficile. Les joueurs squeeze leur bâton. Puis ça devient une chose mentale. Fait que j'espère qu'ensemble, on va s'en sortir avec de la confiance. Ah, oh, Marc, non. Tu peux pas dire ça. Il a un peu raison. Il a raison. Non, il a 100% raison dans ce qu'il dit. OK, je pensais que t'étais pas d'accord. Je suis d'accord. C'est une équipe qui a zéro confiance parce que Price... Non, mais okay. Price marche pas bien. C'est vrai. Pas confiance. Il y avait une stat qui disait que quand Pacheco score un but, l'équipe gagnait. Oui. Si ton capitaine score, l'équipe gagne confiance. Fait qu'on gagne. Si ton gardien fait des bons arrêts, ils ont confiance, on a gagné. Là, la confiance est vraiment fragile. Puis là, Marc, il dit. L'affaire que tu peux pas dire en conférence de presse de cette façon-là, c'est la solution est dans la chambre. À un moment donné, Marc, il va falloir qu'il prenne responsabilité sur les joueurs qu'il a mis dans cette chambre-là, justement. Là. On n'a peut-être pas les bons éléments en ce moment pour avoir un team qui va être un team gagnant, tu sais. Qui va avoir une confiance. Il n'y a pas de leader dans cette chambre-là, je suis sûr et certain. Ben, qui lead, selon toi, dans cette chambre-là? Gallagher, Shaw. Ouais. Après, Weber, c'est sûr qui lead à sa façon. Ouais, là, mais c'est un gars tranquille comme Price, tu sais. Je suis sûr qu'ils sont dans leur coin puis ils écoutent du country. Là, mais les deux se parlent de chevaux puis de course de hamburger. Là. Mais il doit s'impliquer d'une manière ou d'une autre. Non, mais je suis. Les gars les plus. C'est je une te force dirais, tranquille. Ben, tu sais, mettons, pour toi, les deux, c'est quelqu'un qui se lève, qui est plus dynamique, je te dirais, genre. Sans aucun doute. C'est un Mac Messier des boys. Là. Gallagher puis Shaw. C'est eux autres, tes leaders. C'est les eux plus qui se lèvent, qui parlent, tu penses? Oui. Parce que Price n'est pas un grand parleur. Je pense qu'il va plus être leader par ses performances sur la glace. Regarde, il n'y a aucun doute pour moi, c'est Shaw et Gallagher qui gueulent. Surtout Shaw. T'sais, Shaw, la game contre Winnipeg, là, il a pris la peine d'attacher le patin de 10 joueurs. Il a comme fait un petit jeu. Ouais, il a fait exprès de peine. Puis il s'est amusé à attacher le patin de 10 joueurs d'une shot. Puis les journalistes trouvaient ça drôle, tout ça. Puis lui, il trouvait ça le fun. Fait qu'il a fait un geste, peut-être juste pour mettre un peu d'humour dans la chambre, faire sourire les gars pour les préparer à la game. Mais je suis d'accord qu'il dit que la solution est dans la chambre. Là. Oui, clairement. C'est tout le monde dans ce team-là, c'est des joueurs de calibre professionnel. Là. Tout le monde est capable de jouer comme du monde. Ils ont pas de confiance. C'est, ça s'écroule vite, on dirait. C'est... Oui, mais à un moment donné, c'est comme... Marc, il y a peut-être des erreurs que tu as faites, toi, dans ta composition d'équipe en 5 ans aussi. Tu peux pas juste tout blâmer sa chambre. Là. Non, mais d'après moi, ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils s'attendent pas aux joueurs d'aller chercher d'autres éléments pour les donner. Non, mais c'est ça. Les joueurs s'attendent pas à ce qu'ils aillent chercher un gros top player qui va venir sauver la puis saison. Il l'a confirmé, d'après moi. Ça n'arrivera pas, là, probablement. De suite. Ben, ça dépend encore du déroulement de la saison. Il va pas commencer à scraper ses choix repêchage on a une bonne séquence. Ça dépend. On se fait une séquence quand on joue 20 match, on n'en parle pas à 15. Je suis pas sûr que Bergevin fait pas un move de cave. Là. Mais là, ça paraît être parti pour ça, pour l'instant. Ben, j'ai comme pas l'impression qu'il va faire un move de cave parce que, mettons, là, qu'il sent pas. J'espère que... J'espère pas. Parce à quoi ça va servir, mettons, de faire un move de cave, faire les séries et se faire sortir en première ronde? Non, mais tu peux pas. Là, tu... De toute façon, je ne mettrai pas l'audio de lui qui veut améliorer l'équipe. Là, mais c'est pour ça, s'il voit que ça sent pas bon, mais il dit garde, fuck it, il va faire un peu de ménage, mettons, tu échanges Plekanec. Non, mais je pense que le moment où il va se mettre à faire des moves de cave, c'est quand il va sentir que sa job est en danger, moi. Parce que là, il va vouloir gagner à court terme pour sauver sa job. Je sais pas, parce qu'as-tu déjà fait un move de panique à date? Mais il n'y a jamais eu de moment que les Canadiens, à date, que j'ai senti que sa job était vraiment en danger non plus. On a eu des saisons up and down, mais on n'a jamais eu une saison comme Shit, on a fini 20e, parce que 30e dans la ligue, on est pourri. L'année que Price était blessé, Bergevin, il a fait fuck all. Oh, mais c'était pas sa première année qu'il est rentré, ça, ou cette deuxième? C'était sa quatrième année Price était blessé. L'année passée, c'était sa cinquième. OK. Puis l'année passée, quand ça commençait à mal aller, puis dans le monde, il a même parlé de la fiche de 4 Il a rien fait, mais tu sais, là, ton goaler... Il a congédié son coach, par exemple. Mais ouais, mais c'est parce que là, c'est rendu les joueurs. Il fallait qu'il fasse un move parce que là, un électrochoc. Si c'est pas le coach, c'est plus les joueurs, là, c'est la direction. C'est quoi, tu sais? Il faut que les joueurs fassent leur part quand même, là, mais. Ben, c'est parce que c'est sûr que sur papier, on a une équipe que la fiche le démontre. Ah, oui, clairement. Mais quand Price est blessé, ça valait pas la peine de faire un move de panique parce que Price allait revenir à un moment donné, de toute façon. Ça a été plus long que prévu. Mais tu sais que si ton gros numéro 1 est pas là, t'es dans la merde. Là, Price joue pas bien, puis c'est un autre problème qu'il soit blessé, tu sais. C'est pas. C'est ça. Ben, je te donne un exemple de panique. Mettons, tu sais, quand Markov s'est blessé dans l'ère Gauthier, là, on retourne dans les années noires, là, une couple de semaines après, Pierre Gauthier a échangé son choix de deuxième ronde pour aller chercher Marius Tcherkowski. Non, c'est pas vrai, c'est James Wisniewski. Et Chris Weaver. Puis on s'est battu. Markov, il n'est jamais revenu finalement au jeu parce qu'il s'est fait repérer au mois de février. Puis après ça, on a en première ronde contre Boston. On s'est fait sortir en première ronde au septième match. Mais je pense pas que Bergevin va aller chercher des éléments juste pour dire qu'il va se rendre en série s'il sent pas que son équipe peut faire un bout de chemin en série. Non, je pense pas qu'il va le faire. Mais c'est ça, en tout cas. Pour revenir à ce qu'il disait, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je suis juste pas d'accord que tu peux le dire de cette façon-là en conférence de presse puis de pas prendre aucunement un blâme. De juste mettre ça sur le dos des joueurs, c'est un peu facile. C'est juste ça. C'est mais, ça. Mais il y a quand même raison. C'est quand même ça, le bout de la ligne. C'est que les joueurs n'ont pas de confiance. Il faut qu'ils trouvent un moyen de gagner. T'sais. C'est ça. Qu'ils ne s'attendent pas que Bergevin fasse un miracle et qu'il leur donne un John Tavares, par exemple. Mais arrangez-vous mais, pour mais comme je dis, la def est poteuse. Il y a des trous dans cette défensive-là. Pis on le voit. Pis on voit que c'est ce qu'ils nous donnent en ce moment. C'est peut-être le meilleur, mais ça reste que c'était pas pour ça qu'on perdait non plus. Ben, l'impression que j'ai, c'est que le coussin qu'on a présentement, c'est que Bergevin va se concentrer pour améliorer la défensive encore une fois avant d'aller chercher un attaquant. Jamais trop de défenseurs. Même si on soque à 55 défenseurs. Non, 35 défenseurs en 5 ans. Je veux plus savoir. Deuxième extrait de Bergevin, il dit qu'il n'est pas inquiet pour les séries qui s'en viennent, qu'il faut prendre ça un match à la fois. Moi, je regarde pas dans 6 mois. Je regarde le prochain match. C'est ça qui est important. Si tu regardes la grosse picture, si tu regardes la montagne, il faut qu'on se rentre en haut, il faut que tu montes une étape à la fois. Le plus important, c'est le match de demain contre une équipe qui est 7-1, je crois, une bonne équipe dans la Ligue. Alors, je ne veux pas regarder qu'est-ce qu'il faut faire dans 6 mois, c'est une étape à la fois. Ça commence demain. Mais si on regarde dans le passé, par exemple, les défaites du début de saison vont faire mal en fin de saison, ces points-là, c'est des points que tu ne peux pas aller rechercher. Non, c'est sûr, mais encore là, tu sais, quand il expliquait tantôt, l'année passée, on a commencé avec 12-1-1, genre, début ouais, de saison. Ouais. Puis après ça, on a tombé dans une séquence de 4-11. Tu fais juste inverser les séquences. Non, mais c'est ça, je comprends. Ça mais... va revenir au même. Mais comme je te dis, c'est vraiment la manière qui parlait cette année qui me faisait peur. Ah, puis... parce qu'on mangeait des volées, c'était pas des défaites de 2-1, ouais, 3-2. C'est pas juste les volées, c'est la manière que les joueurs réagissaient puis que le manque d'effort que je trouvais au début. Là. Ouais, parce que les bras baissaient vite, mettons. Troisième extrait audio, par rapport à son commentaire de la meilleure défensive que l'année passée. Il s'est fait reposer. Peut-être que j'ai pas été assez clair là-dedans. Puis, l'es-tu déjà? Tu sais, le hockey, c'est pas comme le football que tu envoies l'offensive, il va, débarque, défensive, c'est 5 joueurs sur la glace. Alors, en ce moment, défensivement, on a des lacunes. Puis encore là, je vois une équipe qui est sur les talons et non pas sur les orteils. Alors, si tes joueurs ils closent pas assez vite défensivement, si puis y a des défenseurs qui ont de la difficulté, on se le cache pas, mais dans l'ensemble, si quand encore là j'ai vu des étapes dans cette petite partie cette année que quand on joue bien, quand on joue avec la confiance, on est une très bonne équipe qui est capable de jouer du bon hockey défensivement. Alors je veux pas rentrer dans les détails tel joueur, mais encore là, je crois qu'il y a des joueurs qui ont de la difficulté défensivement, surtout des défenseurs. Mais aussi, les avants, c'est un travail d'équipe. Alors, oui, il y a de la place pour l'amélioration, mais je crois encore qu'on est encore une bonne équipe si on joue du hockey qui est très solide défensivement. Ben, c'est à qui de bord que revient la tâche de raviver la confiance du Canadien? C'est au coach? C'est aux assistants coach? C'est un peu un travail de tout le monde, je dirais. Les coachs, il faut qu'ils préparent l'équipe pour le match. Mais les joueurs, il faut qu'ils se motivent entre eux autres. Puis il y en a qui doivent se regarder dans le miroir, tu sais. Comme Patio? Patchio, oui, parce que, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que le coach fasse de plus? Il a sa part à faire. Prépare-toi comme du monde, joue ta game. Tu sais, ils ont un travail à faire. C'est pas compliqué. On n'est pas des joueurs de la Ligue nationale, mais il me semble que... C'est ça leur travail. C'est ça. Exactement. T'sais, c'est des professionnels. Fait qu'ils sont supposés de tout donner sa glace. Je peux comprendre qu'une fois de temps en temps, un peu comme nous autres, un moment donné, on peut arriver une journée, ça ne tente pas de travailler. OK, une fois... Une journée par semaine, tu parles? À l'occasion, je dirais pas de détails. On n'est pas payé 6 millions par année, par exemple. Non, c'est ça, mais tu sais, des fois, c'est, mettons, tu files moins. Mettons, je sais pas, moi, t'as pas dormi parce que tu t'es chicané avec parce ton t'as chien. T'as violé une mineure. Genre, fait que tu files pas ce journée-là, t'en laisses passer 6. Tu sais, fait que. On sait pas, tu sais. Mais je pense que c'est une responsabilité. C'est un peu un mélange de tout, je te dis. Mais justement, on revient sur Patchio, là. Il va parler de. Est-ce qu'il y a trop de pression en ce moment sur Pacioretty? Voici le commentaire de Marc Bergevin. Non, je comprends ta question, mais écoute, au moins comprends la question. Tu regardes à travers la Ligue nationale, tu sais, Ovechkin, c'est le capitaine, c'est un marqueur de but, Crosby, alors tabarnak. C'est une responsabilité, mais qu'on croit que le match est capable de prendre. Puis c'est vrai qu'il se met peut-être un peu trop de pression, puis quand l'an passé, je me souviens bien, il y a un début difficile en fait de marquer des buts, mais comme beaucoup de marqueurs, c'est des gars streaky. Ah, des streaks. Il a marqué hier. Peut-être que dans 10 games, il va en marquer 5, 6. On ne sait pas, mais souvent, c'est ça, son track record à max. C'est des périodes qui... Alors, c'est ça, je pense pas que ça va changer. Je pense qu'un goal scorer, c'est un gars qui pense trop à scorer. Puis souvent, tu oublies les petits détails à faire. Pourquoi tu marques des buts? Puis ça, c'est encore là, c'est de la confiance. Oui, mais encore là, Marc, tu peux pas parler du manque de confiance de Pacioretty en faisant une comparaison avec Ovechkin. Puis Crosby, là. Ben, il parlait probablement du rôle de capitaine. Oui, mais même à ça, tu peux pas comparer le capitaine Pacioretty avec capitaine Crosby, capitaine Ovechkin, là. C'est comme... Ben... C'est comme de dire, toi qui commences à faire ton 2 km, là, puis que t'as mal au genou, lâche pas, il y en a qui sont capables de le faire. Check les Olympiens qui gagnent le marathon. Ouais, ben, sacrement, c'est... là, c'est un autre niveau de joueur, c'est là. C'est pour ça que je pense qu'il parlait plus du rôle. Ouais, mais de capitaine même au avec le rôle, tu peux pas comparer ces deux gars-là, c'est des gars à part. C'est là, parce que dans le fond. Les seuls que tu peux comparer avec Ovechkin puis Crosby, c'est Matthews, c'est ce monde-là. Pas Pacioretty. Mais pourquoi? Pas. Parce que. Tu le sais que c'est des first round picks, c'est des top players ouais, de la ligue. Je pense qu'il voulait plus faire référence. Mais il fait référence au rôle, ouais, rôle de capitaine parce que et de scoreur. La job de capitaine est plus difficile dans la Ligue nationale. Mais on a souvent dit que le capitaine devrait jamais être ton top scoreur parce que ça lui donne une pression supplémentaire qu'il n'y a pas. Déjà que la pression. C'est une vieille mode, ça. Mais en tout cas, je pense que c'est encore ouais. Peut-être vrai. Tu sais, Que la majorité. Il y a juste en Floride qui ont décidé de mettre un gars sur le cinquième trio comme capitaine. Cinquième trio? Ouais, c'est Jamie Magoon. C'est... je sais pas c'est qui, c'est Lowe. En tout cas, il y a un nom fucked up. Là, pis, c'est le porteur d'eau. Je sais que c'est pas un gars qui joue dans le top 6 parce que c'est rare que je vois ce gars-là faire des points. Pour ce qui est du reste, dans les équipes qui sont jeunes, ils prennent même pas de capitaine parce qu'ils ont 4 assistants. Ça a été le cas à Edmonton avant que McDavid capitaine. Puis déjà là, ça fait de la merde parce que... Mais McDavid, tu peux le comparer à Crosby puis à Ovechkin. Lui, il peut être capitaine parce que dans le fond, c'est comme un petit peu le côté classique, comme Gretzky capitaine. Connor McDavid. Ouais, mais sinon, regarde, à Montréal, le rôle de capitaine est un rôle symbolique. Ouais, ben. Puis on va toujours le comparer à, mettons, Richard Béliveau, puis tout ça, puis Pacioretty. Richard Béliveau, le docteur, là. Non, mais. En tout cas, des deux gars différents et deux individus différents. Mais. je sais pas si c'est qui, Richard Béliveau. C'est le gars qui dit que le curcuma, c'est super bon pour la santé, là. Ah! Après ça, Marc a répondu à la question du manque de confiance de l'équipe. Ouais. Écoute, c'est facile à dire. C'est... Calisse, Marc. Il est venu. Écoute, c'est facile à dire. Comme vous regardez ça de l'extérieur, puis je comprends très bien pourquoi tu regardes ça, mais moi, comme ancien joueur, je le sais que c'est pas moi, si facile. Moi, comme ancien joueur, il y a beaucoup de. Tu sais, c'est des humains, puis tu sais, tu. Ah ouais. Tu perds confiance, puis au lieu d'agir, et là, tu penses. Puis la seconde que tu penses, il est trop tard. Puis c'est ça qui arrive. Là, ça fait une boule de neige. Ah. Puis tu regardes des équipes en ce moment qui ont beaucoup de succès, tu sais. Ça peut aller de l'autre bord aussi, là. Quand tu as de la confiance, tout va de ton bord. Puis quand ça va mal. Tu sais, les Rangers en ce moment, ça va mal. Puis on n'est pas tout seul. C'est certain que je me satisfais pas de voir d'autres équipes, puis qu'on n'est pas satisfait, là. Je veux dire, c'est. On est conscient, puis on travaille fort, puis le processus est difficile en ce moment parce que les nuits sont longues, mais écoute, on pense à cœur nous aussi qu'on veut gagner. C'est tout ce qui me fait le plus chier dans tout ce qu'il dit, c'est Il a raison en plus. Mm. C'est vraiment ce qu'il dit, puis ça nous fait chier. Ça fait chier les fans parce qu'on veut. Que ailleurs, genre. Non, mais c'est parce que c'est oui, la confiance, oui, les attaques quand elles marquent pas, oui, il faut qu'ils trouvent ça dans le vestiaire. Mais à un moment donné, tu regardes la game, t'es comme. Je veux encore cheerer pour l'équipe, mais sacrément, c'est plate à regarder, puis c'est long, puis c'est. Je pense que ce qui est difficile, puis c'est. Plus que... ça avance une séquence de défaites, puis plus on joue mal, plus tu joues le bâton serré, plus t'as de la misère. Fait. Puis oui, c'est des humains, puis oui, on est critique par rapport à leur salaire, mais ça reste des humains pareils. Là, c'est... Mais ça me fait chier, je veux que l'équipe gagne. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux... Ben, je pense que ce qui est plus difficile, c'est que. On s'entend que dans toutes les saisons, il y a toujours une mauvaise passe. On parle tout le temps du temps des fêtes, on regarde ça. Ouais, la gang. Ben, je pense que dans le fond, cette année, ce qui fait que c'est plus difficile, puis qu'on a la misère à voir la lumière au bout du tunnel, c'est que la mauvaise séquence, on l'a en début de saison. Fait que là, tu vois ta fiche 1-7-1, genre. Ben là, je pense qu'il n'y aura pas de gain du temps des fêtes cette année parce que notre mauvaise séquence, on va l'avoir connu. Ça va dépendre. Là, Lindgren on va se le souhaiter. Lindgren joue bien. Ça va-tu durer? On ne sait pas. Montoya, il est quand même shaky un peu quand on le voit jouer. Moi, j'aimerais. Si Price revient, j'aimerais mieux voir Lindgren comme associé à Price. Ah, avec Price, moi aussi, ben raide. Price, est-ce qu'il va retrouver ses repères puis va-tu retrouver? On l'espère dans maudit, de tout cœur. Parce que ça serait le fun que. Je pense qu'il pourrait revenir au jeu même la semaine prochaine. Il va être dû pour nous sauver une coupe de game, Price. Ouais. Il va peut-être revenir avec en ses fait, stats normales. Price devrait couvrir les erreurs des trous de défense qu'on a en ce moment. Normalement, quand Price joue comme Price devrait jouer, là, il joue comme un gars de Laval, puis c'était pas correct encore. J'espère que ses nouveaux patins ou ses anciens patins vont sauver ça. À voir, là. On va espérer, puis c'est s'il connaît une bonne performance, une bonne première game, ben peut-être que là, la confiance va s'installer, parce que pour un gardien de but qui n'est pas en confiance, c'est pire parce que c'est le dernier qui arrête la rondelle. J'ai ça, j'ai beau chialer, puis on a beau être en tabarnak, ça ne donnera rien. Faut le voir aussi un peu froidement, comme le bon Marc le fait en ce moment. Sinon, que ça fait qu'on est trop émotif, puis ça fait un épisode comme l'épisode 5 de la soirée du podcast, que si on veut échanger tout le club, on veut échanger Price, on veut échanger tout le monde, puis on veut refaire une reconstruction. Même si je suis encore crissement d'accord pour une reconstruction, ça n'arrivera jamais à Montréal, ça, de repasser à zéro. Fait qu'il faut faire ce qu'on a en ce moment. C'est ça, on est comme une moitié de chemin de fait. Mais clairement, on devrait être un peu meilleur qu'on est là, mais il y a des trous à défense, puis il y a des attaquants qui devraient jouer mieux, puis il y a des joueurs qui devraient se regarder dans le miroir aussi. Pas sure, really. Ouais. Mais il va mieux depuis qu'il joue avec Dano. Ouais, mais ce serait bon si ça faisait augmenter sa valeur qu'on pourrait l'échanger. Ça serait pas pire. Ça réglerait deux problèmes dans un. Ça peut être possible parce que Pacioretty devient joueur autonome dans deux ans. Là. Tu sais, tu l'échanges puis tu te débarrasses du fait que tu as nommé le mauvais gars comme capitaine. Puis... C'est possible parce que tes capitaines se sont déjà échangés. Oh! Puis il y a même des capitaines qui ont dû leur signe. Dans cette ligue-là, il n'y a plus personne qui est intouchable, je pense. Là. Non. C'est terminé voilà. Ce temps-là. Point sur la table de même. Il reste trois petits extraits de JF. Marc a commenté sur les commentaires de Mario Tremblay par rapport à supposément Chucky qui aurait eu deux cures de désintoxication, de detox dans le fond, là, pendant l'été ou dans la saison morte, je sais pas trop. Là. Ouais, c'est ça, il n'y a pas vraiment donné de temps. Il y aurait eu deux cures de désintox depuis le début de son contrat avec le Canadien. Fait qu'on écoute les commentaires de Marc là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que la Ligue nationale, puis ça fait des années, c'est comme ça, même à l'époque que je jouais, tu as un numéro de téléphone qui est confidentiel que tu peux appeler. Pour de l'aide. Ah. C'est strictement confidentiel. Confidentiel. 10 gars, un gars, pas de gars, j'ai aucune. C'est confidentiel. Alors, on ne peut même pas en parler. C'est strictement confidentiel. C'est pour ça qu'ils font ça comme ça. Alors, j'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Fait qu'il y a un genre de tel jeune pour la drogue dans la Ligue nationale, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, j'ai lu dans la presse, je sais pas si j'en ai parlé pendant le show, ça me passait. Un joueur, mettons, qui s'en va dans une première cure, à temps normal, il le fait au cours de l'été. Puis après, quand tu es rendu à une deuxième cure de désintoxication, automatiquement, tu es suspendu dans la ligue. Avec deux cures. Ah ouais? Puis le meilleur exemple que je peux te donner, c'est Zach Cajun, quand il a foncé dans un arbre avec un troc, il est allé en cure, puis il a disparu pendant environ 45 jours. Même encore là, le gars, il est revenu au jeu, je pense, au mois de janvier, mais on l'avait échangé juste avant qu'il revienne au jeu. Fait que Jack Cajun, c'est le meilleur exemple d'un gars. Puis si Galchenyuk avait vraiment eu deux cures, c'est quand qu'ils auraient eu? Puis l'affaire qui me faisait rire de Mario Tremblay, c'est le match à Vegas. Il a commencé à louanger Galchenyuk. Hey, il travaille Le lendemain de ce qu'il a dit ça ou je sais pas trop. D'après moi, il y a un petit meeting au bureau. Puis il a reçu un téléphone de quelqu'un. Là. Oh, je pense qu'il s'est fait intimider. On va te couper ton alcool, mon esti. Il va être, prochainement, il va avoir des accusations portées contre lui. Anyway, il n'est pas tout le temps en train de se faire arrêter pour alcool au volant à Rue Tremblay. Non, non, il touche sûrement des mineurs à quatre parts. Calisse. Bon, avant-dernier extrait, il va revenir sur le cas de Chucky. Les options sont quoi, les options? T'sais, on essaie beaucoup, comme instructeur, Claude essaie beaucoup de choses. Puis, ah, dis Claude. Encore là, on we won't give up on the kid. T'sais. Encore on l'a vu, une saison de 30 buts. Il a fait des bonnes choses dans le passé. Puis en ce moment, puis jusqu'à sa blessure l'an passé, je pense qu'il était pas loin d'un point par partie. Il s'est blessé à Los Angeles. Ouais. Depuis ce temps-là, c'est un petit gars qui cherche. Mais t'as un petit gars qui cherche. C'est un petit gars de 30 ans, il a encore 23 ans. Fait que on espère qu'on va continuer à travailler avec. On espère. Mais oui, c'est vrai, des fois c'est frustrant. Je peux pas te. Je me cachais pas de te le dire. Fois, il parle à toi. Non, mais il a raison, puis c'est frustrant, mais Chris, ça m'a donné. Ben, combien jamais il dit? Il y a une affaire que Claude. Parce que quand il a commencé à coacher le Canadien, que Chucky allait pas bien, puis tout ça, puis ils ont fait un gros parallèle avec Tyler Seguin. Que Boston, ben, je sais pas, écoute. À Tyler Seguin, ils s'en sont carrément débarrassés. Puis ouais, ouais, ouais. On sait qu'est-ce qui est arrivé. Dans le fond, c'est l'organisation qui trouvait qu'il ne fitait pas dans les mœurs. Les mœurs du club. Je pense que Claude, il a appris de ça, puis il a comme regretté que ça arrive. Ouais, de faire un bon jeune. Puis j'ai comme l'impression qu'il veut pas que ça se répète avec Galchenyuk, parce qu'on s'entend que Galchenyuk, il a un gros potentiel. Ah oh, ouais, ouais. Ben oui, on le sait. On n'arrête pas de le dire. Il y a plein de talent, Galchenyuk. C'est la constance, puis c'est son attitude qui nous font chier souvent. C'est ça. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que Claude, là, présentement, il coach Galchenyuk d'une manière. Je ne sais pas si on peut dire pour le briser, là, pour s'assurer qu'il de travail. Il fait mériter son temps de glace sur les trios les plus hauts. Puis là, il a monté. Fait que là, je sais que ça n'a pas plu à beaucoup de monde qui joue sa quatrième ligne, mais là, regarde, il a hérité d'un poste avec Drouin, puis on parle de peut-être un duo qui pourra avoir des flamèches pour des games à. Avec les Golems, c'est moi, je suis rendu avec un trio. Là, c'est même pas un duo, c'est un bon trio. Là, rendu là, Ben, c'est ça, fait que je suis content de ça. Puis, tu sais. C'est pas juste à Montréal que ça arrive, des gosses à quatrième ligne avec un talent comme Galchenyuk. Juste un exemple à Toronto que Marc considère comme une bonne équipe. Mitch Marner, qui est un très bon joueur, il a une très grosse saison l'année passée, presque 65 points, je pense, pour comme saison recrue. Là. Il est sa quatrième ligne, puis le gars, il fait à baboune, puis ça a même l'air que Toronto, ils vont l'échanger quasiment comme Galchenyuk. Fait que ça arrive pas juste à Montréal. Babcock le fait à Mitch Marner. Ah, Babcock. Fait que, tu sais, le bon Claude coacher le kid, puis s'il réussit à marquer 25 buts cette année, ben, on va pouvoir dire que Claude a réussi. Vas-y, mon Claude, t'es capable. Ah ouais. Claude, il est stressé, il perd du poids, je trouve. Il m'inquiète. Il mange pas beaucoup, on dirait. Hein? Ouais. Oui, il prend des bonnes vacances, puis il fait bien du sport. Ah, peut-être. Il y a le programme de Bergevin puis de Timmins. Ouais, il est sur la sauce solide à côté. Dernier extrait de Bergevin. Il commente sur le cas de Streit et puis de Hemsky. On écoute. Tu sais, quand on fait. Okay, je vais t'expliquer. Quand je fais. On va aller dans les deux noms que tu as mentionnés. Okay? Mark Streit. Bon. Est-ce que je savais aujourd'hui que Victor Mété performait comme il performait? Non. Okay? Alors. Tu le savais, Marc. Mike Streit devenait une police d'assurance. Puis, la façon que le jeune a performé, mais la décision était facile à prendre. Qu'est-ce que ça coûtait à l'organisation? 6 jours de salaire? Puis si ça sert à refaire, je le refais. J'ai aucun problème avec ça. Pour Hemsky, oui, on se cache pas, il y a des difficultés. Encore là, on a joué 6 matchs, il a peut-être joué 4. On n'est pas satisfait, puis lui non plus. Mais encore là, je veux dire, les expectations n'étaient pas ici. Les expectations. On voulait un gars qui peut nous aider, peut-être sur le jeu de puissance, puis. Faire des jeux sur le jeu de puissance. Puis en ce moment, je peux pas juste blâmer lui là, parce qu'on sait qu'avant-hier, le jeu de puissance, on ne marquait pas. Mais encore, la saison est jeune. Puis Joe Morrow, écoute, on savait, c'est un joueur de 6 ou 7e défenseur qui est encore jeune. Peut-être que non. Peut-être. Mais encore là, on n'a pas fait mal à l'organisation à long terme. Alors, ces choses-là, je vais toujours les faire, même si on dit que ça ne fonctionne pas. J'ai aucun problème avec ça. Fait qu'est-ce qu'il t'a rien dit? Il t'a rien dit qu'il n'y a pas de problème à bouger des plombiers dans le team puis ça fait pas de dommage à l'équipe, dans le fond. C'est plus le fait que. Il essaye de trouver une solution miracle avec des joueurs de quatrième trio. Ou... Il a été chercher des joueurs qui coûtaient pas cher pour remplir des chandails fort probablement, puis créer une compétition à l'interne. Et puis, Streit, tu sais, beaucoup de monde dit mauvaise décision, mais ça a pas coûté cher. Ça a coûté, comme il dit, ça a coûté 6 jours de salaire. C'est ça, c'était cas qu'on soit dans la mal. Finalement, Mété a fait le prix du pot, puis d'un titre. Puis il n'y a pas. Il n'y a pas ça de 5 millions, Strait, c'est pas comme s'ils affectaient sa masse salariale. Non, c'est clair, il était quand même à chier, Strait, là, mais... Ah, même lui, il avait avoué qu'il était médiocre. Mais même si tu pourrais faire un parallèle là, pour Victor Mété, là, il y a eu un camp des recrues là, au cours de l'été. Là. Puis Claude Julien était là. Ouais. Puis il avait avoué, il a dit ça en début de saison, là, il disait à Marc, j'aimerais ça le voir avec Weber au camp. Mais Julien avait un plan. Puis il voyait quelque chose le de flair. Bien. Il aurait-tu toffé, on ne sait pas. Mais c'était ça le plan depuis le début, de faire un test avec le kit, de voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Puis ça a fonctionné. Puis ça, c'est un côté que j'aime de Claude Julien. Il voit... Le gars, c'est un enseignant. Fait qu'il est capable de voir quelque chose qu'un joueur peut amener, puis il va le coacher pour l'amener à Il va voir que c'est des bons atouts qu'il y a. Ouais, il y a sûrement il y a très personne des atouts de Victor. Il y a un commentaire dans le chat sur Facebook Live. Nick Lachapelle, enseignement de Rétro Nouveau, qui veut donner ses deux scènes. Il dit qu'il aimerait bien voir le trio Udon, Chucky et Lekkonen avoir une deuxième chance. Ça pourrait être possible un jour si... Ben, j'imagine qu'il fait référence à Chucky au centre. J'imagine que oui. Ça peut être une possibilité. Peut-être demain, si Drouin ne joue pas, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Même que moi, à un moment donné, j'ai eu un rêve. Puis je me suis dit que notre ligne de centre pour le futur à venir... Ça Hier, serait... je me suis couché, puis j'ai eu un rêve. Fais la lumière. Drouin... Chucky puis Dano, ta ligne de centre pour des années à venir. C'est ça qui va arriver un jour? Je le sais pas, peut-être pas, mais ça serait à souhaiter. Ils ont juste 23 ans, les kids. Ouais. Puis tu serais bon pour au moins 15 ans avec ces gars-là. Là. Ah, peut-être pas 15 ans, là, mais. Juste 15 ans. Bon, plus un 8-10 ans, moi, je te dirais. Là. 15 ans, c'est beaucoup pour eux. C'est 38 là. Ans. Comment ça va être vieux là, pour un centre? Là, pis, Mais quand t'es bon. Ouais, mais ils sont pas encore à ce niveau-là. C'est là. Pas tout des Jagger. Ah, et Jagger aussi. Il a pu s'arrêter finalement ou il continue à jouer? Il a compté son premier but avec les Flames hier. Malade, fait qu'il n'a pas arrêté, là. Il a continué à jouer. Il a manqué une couple de matchs parce que je pense qu'il était. Il avait mal au bas du dos. Il était semi-blessé, là. Mais il a compté. Il avait mal au rein. Pauvre Jagger. Pauvre Jagger. Fait que sur ça, Jeff, on s'en va faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Ce thème-là, il rentre au poste, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on a trois petits points pour terminer le podcast, mon ouais, GF, j'ai des notes. Around the NHL, comme ça. Donc, l'affaire Vadim Shipachyov. Oui. Ça, c'est le gars qui était ça, à Vegas. Ça, c'était le premier joueur autonome que Vegas a signé. Un gars qui était quand même très bon dans la KHL. Puis que tout le monde voyait dans leur soupe, je te dirais, parce qu'il y a beaucoup de fans qui ont gueulé puis qui voulaient que Marc Bergevin perde sa job parce qu'il n'a pas signé Vadim Shipachyov. Ça fait de la merde parce qu'on a besoin de centre à Montréal. Puis si je ne me trompe pas, je pense que Drouin n'était pas encore à Montréal ou sinon, en tout cas, autour de ça. Là. Et puis ce qui est arrivé, c'est que ce gars-là, en début de saison, il a pas fait le club. Avec OK, ouais. Puis au début, on pensait, ah, c'est parce qu'ils ont comme un problème, un surplus de défenseurs, ils ne peuvent pas y perdre au balotage. Fait qu'ils ont emmené Shipachyov à la Ligue américaine. Ouais. Ils l'ont rappelé, puis ils l'ont retourné dans la Ligue américaine. Fait que le gars, il était en tabarnak, puis il a fait une crise. Et puis finalement, d'un commun accord, ben premièrement, ils ont essayé de l'échanger. Il y avait apparemment une offre sur la table pour s'en aller à une destination quelconque, mais vu qu'il n'y avait pas de clause de non-échange, dans le fond, c'était pas lui qui décidait où ce qu'il allait. Et puis lui, si Vadim Shipachyov, il a déménagé sa famille ici, il a acheté une maison, il a tout fait. Là. Ouais. Fait que finalement, il a dit « Fuck you, je m'en vais dans le KHL ». Sauf que l'affaire qui est arrivée avec Shipachyov, c'est qu'il a signé un boni de contrat de 2 millions. OK. Ils ont donné le cash. Fait que Vegas, ils ont dit « Parfait, tu t'en vas à KHL, mais tu nous redonnes notre 2 millions ». c'est pas une coupe de 100$. fait que c'est tu me rembourses le 2 millions. Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais finalement, Shipachyov, il est parti. Il a annoncé sa retraite. C'était la seule façon de pouvoir briser. Ah ouais? Parce que la KHL voulait pas l'avoir. Fait que lui, il viendra jamais jouer à NHL dans le fond. Il peut pas, là, c'est fini. Puis le pire, c'est que la KHL voulait pas l'avoir parce que nous autres, on n'est pas à l'aise de prendre un joueur qui a un contrat de Ligue nationale puis de faire jouer notre ligue. Fait qu'il a fallu qu'il annonce sa retraite. Dans la nationale. Wow. Pour pouvoir s'en aller dans le KHL. C'est mon gars. Puis après ça, George McPhee a fait sa tournée au Canada. Puis au Canada, on pose beaucoup de questions sur le hockey parce qu'on connaît ça. Et puis il a carrément dit, l'affaire avec Shipachyov, c'est qu'il n'était même pas capable de suivre la game. Et c'est pour ça qu'il n'a pas fait le club. On dit comme Seb de Boulevard Brutal dans le chat, un esti de fiasco, ça. Shipachyov, en crise. Hey, ils ont donné 4,5 millions par année. Sauf que l'affaire que je me pose comme question, là, c'est que tu lui donnes 2 millions à signature, puis tu lui donnes un contrat de 4 ans de 4,5. sacrement, les scores étaient où, Calis? Ils ont pas vu qu'ils étaient pourris. C'est débile. Nous autres, on a pogné Strike qui était médiocre, on lui a donné 700 000, puis on l'a calissé dehors, puis on a juste payé 6 jours de salaire ou presque. Tchepachev, là, c'est 2 millions qu'il donne tout de suite. Sans savoir ce qu'il va en avoir. Dans leur tête, ils le voyaient comme premier centre. Fait que c'était vraiment genre un geste terrible de la part de Vegas. Mais heureusement pour eux autres, vu qu'ils annonçaient sa retraite et ont terminé son contrat, ça ne comptera pas là, dans leurs affaires. C'est quand même un fiasco. Là, pareil, dans le fond, le gars il a reçu une facture de 2 millions de dollars. Il faut qu'il rembourse son 2 millions à Vegas. Je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est sûr que quelqu'un va mourir dans le processus. Probablement l'agent du joueur. Surtout là. À Vegas, il doit avoir un petit peu L'agent du joueur va se faire tirer dans une ruelle sombre là, qui probablement. Ben, heureusement pour lui, je pense que là, vu qu'il a pris sa retraite, ben, il peut jouer à KHL. Puis peut-être aux Olympiques, mais malheureusement, la KHL ont décidé de... Ben oui, on va avoir une de ligue de garage aux Olympiques pour le hockey. Ils considèrent être sûr boycotter... que je ne me lèverai pas dans la nuit pour voir ça. C'est ça, les autres, ils considèrent boycotter ça parce qu'ils veulent faire comme l'Arsenal. Ils disent « Ah, ben là, on va perdre nos meilleurs joueurs. » Fait que... À suivre! Comme Roman Savon à la Russe. Ouais, ouais, ouais. Digne de lancer compte. Ouais. Saison 2. On pourra finalement arrêter de parler de Matt Duchene. Ben oui. Finalement, le cas a été réglé. Il y a eu un échange qui impliquait trois équipes, si je me souviens bien. Exactement. Je pense que tu as les détails, Jeff, de l'échange impliquant Matt Duchene. Si je te pose une question, Jeff, tu te souviens-tu la dernière fois qu'il y a eu un échange à trois équipes dans la Ligue nationale? Il y a quelques années. Je me rappelle que c'était pendant qu'on faisait un podcast. C'est déjà arrivé. Je me souviens juste plus c'est quoi. C'est l'échange de Tenor Day. Et John Scott qui s'est envoyé avec Nashville. Ouais. Ça, c'est le dernier échange à trois équipes de la Ligue nationale. Aïe, aïe. C'était pas les gros chars. Fait que si on peut voir, j'ai les détails ici de la transaction, là, c'est quoi que les équipes ont donné? L'Avalanche ont donné Matt Duchene. Les Sénateurs se sont départis de Kyle Turris. Leur choix de première ronde en 2018. Puis je tiens à rappeler que la loterie du repêchage en 2018, Jeff, on va faire sûrement un show spécial là-dessus. Là. C'est un bon repêchage. Il va y avoir des gros joueurs qui vont être admissibles à ce repêchage. On fera un show en direct. Là. Je vais essayer de nous arranger ça cette année pour qu'on ait le visuel à un moment donné de ce qu'on parle. Là. Ça va être la fun. Un jour. Et puis, ils ont donné aussi un choix de troisième ronde en 2019. Un jeune Shane Bowers et le gardien Andrew Hammond, a.k.a. Hamburglar. Ah, le Hamburglar, ben oui. Le Hamburglar a quitté. Les Prédateurs se sont départis de Samuel Girard, qui est un Victor Mété. Vladislav Kamenev et leur choix de deuxième ronde en 2018. Alors, qui reçoit quoi? Je vais y aller avec ceux qui ne reçoivent pas grand-chose. Là. Pas grand-chose, je veux dire, au niveau de la quantité, pas de la qualité. Les Prédateurs ont Kyle Turris. Puis Kyle Turris devenait joueur autonome à la fin de la saison. Fait qu'au début, c'était comme « Oh shit, ils ont pogné un joueur de location. » Ben non, il a signé une prolongation de contrat de 6 ans à 6 millions par année. Ah, OK, au moins. Fait qu'au moins, c'est un joueur qui vont avoir pour plusieurs années. Les Sénateurs ont pris une chance sur Matt Duchene. Fait que dans le fond, les Sens se sont débarrassés de plusieurs éléments. Plus, ils ont donné Kyle Turris. Fait qu'ils ont gagné Duchene pour un an de plus parce qu'il va être joueur autonome l'année prochaine. Puis l'affaire, c'est que Duchene va probablement demander autour de 8,5 millions par année. Fait que, est-ce que les Sénateurs vont être capables de le garder? Les Sénateurs est la pire destination pour les joueurs autonomes. Tout le monde veut colisser leur camp. C'est une des raisons pourquoi que Kyle Turris n'a pas signé pour la prolongation de contrat avec les Sénateurs. Il voulait juste plus jouer là. Et l'Avalanche ont ramassé le paquet avec la balance des choix repêchage et des jeunes joueurs. Moi, je pense que les Prédateurs, finalement, en sachant qu'ils ont signé un contrat, Kyle Turris, je pense que c'est un bon one-two punch. Johansson et Turris comme joueur de centre. Tant mieux pour eux autres. Les Sénateurs, je pense que c'est peut-être une petite guerre parce que je pense pas que Duchene va amener beaucoup plus que ce que Turris amenait à Ottawa. Ils ont juste acheté du temps, selon moi. Et puis l'Avalanche, ben, tabarnak, choix de premier tour des jeunes joueurs. Samuel Girard, d'après moi, ça va être un bon défenseur dans le top 4. Je pense pas qu'il va être plus que ça. Puis les jeunes, ça a l'air que c'est tous des petits joueurs. Tu sais, comme Kamenev, ça a l'air que c'est un bon prospect à l'avant, mais c'est pas un prospect qui était capable de percer l'alignement des Prédateurs parce qu'ils ont quand même beaucoup de profondeur là-bas, là, Nick Bonino. Alors, c'est à suivre qui va remporter cette loterie. Fait qu'on va pas arrêter de dire Galchenyuk contre Duchene. Ben là, ce que je peux voir, c'est que Galchenyuk valait pas ce que Duchene a coûté finalement. Effectivement. C'est pour ça que des fois, faut pas partir en peur avec les rumeurs, là, mais c'est ce que ça donnait. Fait que c'est terminé la saga de Duchene qui a déjà joué son premier match contre le Colorado aujourd'hui en après-midi dans direct de la Suède. Ah, ben oui, on fait un match en Suède, c'est vrai. Pour avec la chanteuse Topless qui a chanté les hymnes nationaux. On mettra une image sur notre Facebook. Où, en tout cas, vous irez voir ça. C'était assez incroyable, cette affaire. Ouais. Mettons qu'il faisait frette dans la glace. Là. Bon, Jeff, on n'a rien pour finir le podcast parce que, écoute, comme on l'a dit au dernier show, le Call-out Finger est en vacances pour l'année. Ouais, il est comme blessé au haut du doigt. Là, il est blessé. Il est en train de se faire recoudre des parties, je pense. Mais bon, cette semaine, il y a eu un joueur qui a fait un call-out pour nous. Oui. Pas besoin d'en faire un. Donc, c'est David Desharnais qui a callé out l'ex-maire, le maire sortant Coderre, en fait. J'ai pas même pas le tweet avec moi. J'aurais dû noter là, le tweet. Là, mais je le connais par cœur. Ouais, vas-y donc. C'était « Bonne continuité, mon Denis ». Hashtag municipal 2017. Ouais, le hashtag pour la municipalité, ouais. C'est ça, en faisant référence à ce que Denis avait dit à quelques jours de son mandat, là, dans le fond. Il avait dit « Retourne les mineurs » ou « Renvoyez-moi ça à Milton », je pense, dans le temps, Coderre. Exactement. Fait que c'est une bonne guerre du petit dernier. Un petit coup à bas de la ceinture, et puis le monde se posait la question, c'est-tu vraiment le vrai compte de dernier? Puis RDS l'a confirmé que c'était vrai. Ouais, mais son compte, il est verified, je pense. Fait que c'est vraiment lui, donc on le remercie. Ben ouais, fait que une petite droite d'un couille. Pendant que c'est la première mairesse de Montréal, ben dernier donne une petite droite d'un gosse à Denis. Au maire sortant. Fait que c'était quand même assez hilarant, puis un bon petit moment dans cette soirée d'élection, hein, ce dimanche ben oui, soir. Ben oui, c'était bien parfait ça. Fait que il n'y a pas de call-out, on n'insulte personne ce soir. Ben non. On est tranquille maintenant. Mais c'est bon, ça prouve au monde que les gars d'avoir un commentaire, Jeff, sans envoyer chier tout le monde et son concierge. Là. Et voilà, sans signature, puis il va revenir, c'est pas compliqué les gars. Ouais, faites une pétition, sans annonce une pétition, Jeff ramène le call finger pour la saison, sinon il est en retraite pour l'instant. Jusqu'à temps qu'on fait des séries. Ouais, ça n'arrivera pas cette année. Je te l'ai déjà dit en début de saison. Ça serait triste pour les auditeurs. Je répète, moi, je te dis, on va finir 9e puis Pierre va tâcher de la saison. C'est ça qui s'en vient. Mettons qu'à date, tu es dans la bonne direction. Ouais, à date, c'est moi qui ai la meilleure prédiction de la saison. Malheureusement, je ne veux pas. Mais si on a notre fiche de 6-3 d'ici le prochain show, ça serait, va être déjà bon. Ça serait déjà bon. Fait que, ouais, c'est justement, on va espérer que. On rejoint un autre stretch de 2 semaines en haut de 500. Puis espérons qu'ils gagnent demain pendant qu'on va être ensemble pendant notre. Moi, j'appelle ça un party de Noël en boys du podcast. Là. Ouais, ben c'est notre sortie annuelle du Canadien. Notre get-together. Get-together hors micro, hors studio pour la soirée du podcast. Donc, on vous invite effectivement demain. Demain, on va être le 11 novembre. Suivez notre Instagram, Insta Story. Oui, puis si Dieu le veut, peut-être que Mallette Enquête va faire une apparition. Oh, peut-être un Mallette Enquête en direct. Probablement. Du Centre Bell, de la tour du Centre Bell. Oh, on sait jamais. On sait pas. On a peut-être des plans, des plugs, puis des plans qui s'en viennent. On va aller enquêter pour vous sur ce qui se passe dans ces tours-là. Fait que, désespérez pas encore tout le monde, encore une fois, pour la saison du Canadien. On continue à les suivre. On espère qu'ils vont être sur une autre bonne lancée. Et puis, on se revoit dans 2 semaines. À la prochaine, tout le monde. Ciao.